Elle tremblait de ce tremblement qui, depuis ce moment, ne la quitta plus. Sa voix pleine de douceur, contrastée avec la fiévreuse parole de la femme décidée au déshonneur pour sauver une famille. Le sang abandonna ses joues. Elle devint blanche et ses yeux furent secs. « Je jouais d'ailleurs bien mal mon rôle, n'est-ce pas ? » reprit-elle en regardant Crevel avec la douceur que les martyrs devaient mettre en jetant les yeux sur le proconsul. « L'amour vrai, l'amour saint et dévoué d'une femme a d'autres plaisirs que ce qui s'achète au marché de la prostitution. Pourquoi ces paroles ? » dit-elle en faisant un retour sur elle-même et un pas de plus dans la voie de la perfection. « Elles ressemblent à de l'ironie, et je n'en ai point. Pardonnez-les-moi. D'ailleurs, monsieur, peut-être n'est-ce que moi que j'ai voulu blesser. » La majesté de la vertu, sa céleste lumière, avait balayé l'impureté passagère de cette femme qui, resplendissante de la beauté qui lui était propre, parut grandie à Crevel. Adeline fut en ce moment sublime, comme ces figures de la religion, soutenues par une croix que les vieux Vénitiens ont peinte. Mais elle exprimait toute la grandeur de son infortune et celle de l'Église catholique, où elle se réfugiait par un vol de colombes blessées.